À l'époque de la dernière guerre de Corée, les troupiers américains ont détruit et pillé sans distinction les vestiges nationaux culturels coréens. La plupart des temples, dont le temple Pohyon du massif Myohyang et les temples Chang'an et Singye du massif Kumgang, ont été détruits sous les bombardements américains et beaucoup de vestiges ont été réduits en cendres. Le temple Yuzom, qui était le plus grand des quatre temples représentatifs du massif Kumgang et noyau d'une soixantaine de temples au Kumgang, a été démoli complètement. Les avions américains ont bombardé et détruit entièrement une cinquantaine d'édifices magnifiques et luxueux du temple Sogwang à Krosan. Les agresseurs américains ont volé tant de reliques des temples tels que le Bouddha en or du temple Yongnyon de la colline Moran et le Bouddha du temple Songbul du mont Chongbang. Ces barbares ont fouillé les trois tombeaux de Kangso classés de trésor national en Corée et les ont utilisés comme dépôts et les tombeaux anciens à l'arrondissement de Ryongan comme prison. Dans la province du Hwanghae, ils ont lancé des grenades dans les tombeaux anciens d'Anak avant d'y larguer des bombes. Les vestiges historiques comme le pavillon Pubyok à Pyongyang, le pavillon Tongmyeong à Songchon, le pavillon Puyong à Haejun, la porte Nam à Kaesong, le pavillon Gyeonghi, la porte Kanghwa et le clocher Poshin à Séoul et la forteresse de Suwon ont été détruits entièrement. À l'époque du repli temporaire stratégique de l'armée populaire, les troupiers américains ayant occupé le nord de la Corée ont détruit 6 musées de l'histoire à Pyongyang, Wonsan, Ramon, Haeju et ailleurs, pillé plus de 6700 reliques historiques de valeur et des dizaines de milliers de biens culturels et brûlé des archives historiques. À Séoul, ils ont détruit ou volé plus de 1200 reliques et objets exposés au musée royal Gyeongbo et plus de 6000 au musée royal Toksu.